Nous nous sommes dit adieu en partageant les torts. Quelque chose de nous deux peu à peu était mort. Je suis rentré chez moi avec ce souvenir. 20 années de perdu et combien à venir. Recommencer ma vie, non merci, à n'importe quel prix, non merci. On croit les gens heureux parce qu'on les connaît pas, on ne vit pas chez eux, leurs blessures ne saignent pas. On pense qu'avec l'argent, on a aussi l'amour. On a gagné surtout à en gagner toujours. Nos plaisirs séparés devenaient fastidieux. On a fait ce qu'on a pu, est-ce qu'on pouvait faire mieux? Recommencer ma vie, non merci, j'ai donné ça suffit, non merci. Ce qu'on a dans nos âmes, désespoir et douleur, sont cachés pour toujours dans les replis du cœur. Recommencer ma vie, non merci, à n'importe quel prix, non merci. Si tu peux être amant sans être fou d'amour et ne plus être aimé sans haïr à ton tour. De cet Anglais des Indes, je connais ces deux lignes. Je ne serai jamais un homme comme l'écrivain Kipling. Recommencer ma vie, non merci, à n'importe quel prix, non merci. On croit les gens heureux parce qu'on les connaît pas, on ne vit pas chez eux, non, leurs blessures ne saignent pas. Recommencer ma vie. Nous nous sommes dit adieu en partageant les torts. Quelque chose de nous deux simplement était mort. Alors,